Chapitre 3e. De Saint-Vincent à Fernambouc, le trajet est long. Il fallut traverser tout de bon l'Atlantique en ne touchant nulle part. L'ennui ne tarda pas à se faire sentir. La chaleur devenait étouffante. Nous allions entrer dans cette région appelée par les marins le poteau noir, et où des grains violents viennent parfois tout à coup remplacer le calme. La chaleur énerve et amoindrit tout. On entendait de tous côtés sur les navires de longs et sonores bâillements. Le bal n'avait plus d'attrait. Quand paraissait une baleine, quelques curieux se levaient avec effort, regardaient sans boire, et se replongeaient bien vite dans leur taciturnité. Un jour, cependant, un banc de poissons volants vint s'abattre sur le pont. On s'anima en leur faveur. On les mit dans de la saumure et, après cette première et indispensable précaution, les matelots experts en ce genre d'opération les étendirent sur de petites planchettes, puis à l'aide d'épingles, ouvrirent leurs nageoires, faisant fonction d'elles, et étalèrent à tous les regards cet appareil curieux. Ce fut un enthousiasme général, mais hélas, passager. Le découragement semblait s'être emparé de tout le monde. Une secousse seule pouvait nous tirer de l'espèce de léthargie qui pesait sur tous. Tout à coup, un signal donné, l'équipage entier parut sur le pont. Des matelots se précipitèrent dans les embarcations accrochées aux porte-manteaux de l'arrière, larguant les amarres. On mit à la mer les canots, la chaloupe, jusqu'à la plus petite embarcation. Les rames furent placées le long des bancs. D'autres matelots coururent au sac qui contenait les lettres, le portèrent près du grand canot, prêt à être embarqué le premier. Que se passait-il donc? Étions-nous arrivés? Loin de là. Des matelots amenaient des pompes. Était-ce un sinistre? Le feu était-il au navire? Non, grâce au ciel. Il ne s'agissait que d'un simulacre d'exercice en prévision de quelque incendie possible. Chacun de nous respira, mais l'alarme avait été chaude. Le 29 à 8h30 du soir, nous passâmes la ligne. Divers mouvements inusités dans la journée m'avaient fait penser qu'on nous préparait quelque mystification peu agréable. Il n'en fut rien. On se contenta de faire une petite cotisation et l'on but du champagne à la santé du capitaine. 1er mai. Le lever du soleil était magnifique. Le ciel, comme je l'avais déjà plusieurs fois remarqué, présentait un aspect extraordinaire. Je ne m'étais presque pas couché afin de suivre les effets des nuages, qui ne ressemblent pas à ce qu'on voit ailleurs. Souvent, au milieu d'un ciel très pur, paraît un immense nuage opaque, presque noir. Ce fut au-dessus d'un de ces nuages effrayants que m'apparut pour la première fois la constellation de la Croix du Sud, qui n'est visible que dans l'hémisphère austral. L'étoile polaire avait disparu depuis quelques jours. Plusieurs d'entre nous ne devaient plus la revoir. Cette pensée m'avait attristé pendant toute la nuit. En voyant ces étoiles nouvelles, je sentais plus vivement la distance qui me séparait de ceux que j'avais laissés là-bas, et je me promettais bien de ne pas tarder à aller les rejoindre. Au milieu de ces réflexions et de ces projets de retour, comme je regardais fixement à l'horizon, je crus voir se former un nouveau nuage qui s'apprêtait à remplacer celui qui venait de traverser l'espace. Mais il me semblait aussi entrevoir quelques oiseaux. Mon attention redoubla. Des apparences d'arbres se détachaient du fond du ciel, pareils à des points obscurs nageant dans l'air. Je me dressai debout, ne respirant plus. Non, je ne me trompais pas. J'avais devant moi l'Amérique. Ses points noirs étaient les cimes des palmiers, dont les troncs étaient estompés et comme effacés par la vapeur. Terre, terre. Et voilà que tous ces hôtes du navire, souffrants, ennuyés, fatigués, s'élancent sur le pont, réveillés et intéressés cette fois bien mieux que par un exercice impromptu de sauvetage. Peu à peu, les palmiers devinrent plus distincts. Mais pas de montagne, pas de second plan. Des arbres et le ciel. Une petite voile, qui avait l'air de sortir des flots, venait à nous, vent arrière. Une voile seule, et rien pour indiquer où était son point d'appui. Aucun bateau. Nous cherchions à comprendre. « Ce sont des rangades, » me dit un Marseillais qui habitait depuis 20 ans Buenos Aires. « Vous allez voir comme c'est solide, sans que cela paraisse. » Effectivement, c'était solide. Une demi-douzaine de poutres, liées entre elles, formant une sorte de radeau, une espèce de banc, et au centre un trou dans lequel était planté le mât. Voilà tout. Avec ces embarcations, on peut chavirer, c'est vrai, mais on a toujours les pieds dans l'eau, souvent plus encore. Savez-vous, monsieur, que ces gaillards-là, si on les payait bien, seraient capables d'aller jusqu'à Lisbonne? Par exemple, répondis-je, cela me paraît un peu fort. Comment s'y prendrait-il? Et morbleu, rien de plus simple, en côtoyant. Je n'en demandais pas davantage, j'étais convaincu. Nous approchions de Fernambouc, et bientôt nous jetâmes l'ancre. Mais il était impossible de voir la ville, bâtie sur un terrain plat. Une embarcation seule fut détachée et envoyée à terre pour y porter des dépêches. Personne ne se souciait de descendre dans ces charmantes embarcations du pays, surtout en voyant la mer passer par-dessus les brisants. De Fernambouc à Bahia, il ne se passa rien de nouveau. Des baleines, des oiseaux, des paillants que des tropiques et quelques poissons volants. À notre arrivée de nuit à Bahia, il pleuvait à torrents. Un brouillard épais cachait une partie de la ville. Je n'étais guère satisfait. Rien de ce que je voyais ne me donnait une idée de ce que j'espérais voir au Brésil. Nous abordâmes. À terre, pas de pittoresque. Des nègres, toujours des nègres, criant, se remuant, se poussant les uns les autres. Point d'inattendu dans les costumes. Des pantalons sales, des chemises sales, des pieds crottés, souvent gros comme ceux des éléphants, pour cause d'éléphantiasis, affreuse maladie. J'avais toujours entendu dire que pour voir de belles négresses, il fallait aller à Bahia. J'en vis effectivement plusieurs qui n'étaient pas mal, mais tout cela grouillait dans les rues étroites de la ville basse, où les négociants français, anglais, portugais, juifs et catholiques vivaient dans une atmosphère empestée. Je m'hâtais de sortir de cette fourmilière en grimpant avec difficulté, comme à Lisbonne, une grande rue conduisant dans la ville haute. Là, en passant devant un jardin, je vis pour la première fois un oiseau-mouche voltigeant sur un oranger. Je le regardais comme un présage heureux. Il me réconciliait avec moi-même et mes espérances. C'était lui qui, le premier, m'annonçait vraiment le nouveau monde.